Chapitre 3. Et maintenant, mes frères, réjouissez-vous dans le Seigneur. Il ne m'est pas pénible de vous répéter ce que j'ai déjà écrit, et pour vous c'est plus sûr. Gardez-vous de ceux qui commettent le mal, ces chiens, ces personnages qui tiennent à couper quelque chose dans le corps. C'est nous, et non eux, qui représentons la vraie circoncision, car nous servons Dieu par son esprit, nous plaçons notre fierté en Jésus-Christ, et nous ne mettons pas notre confiance dans les pratiques humaines. Pourtant, je pourrais aussi mettre ma confiance dans ces pratiques. Si quelqu'un pense être en sûreté grâce à des pratiques humaines, j'ai bien plus de raison que lui de le penser. J'ai été circoncis quand j'avais une semaine. Je suis israélite de naissance, de la tribu de Benjamin, hébreu de pure race. En ce qui concerne la pratique de la loi juive, j'étais pharisien, et j'étais si zélé que je persécutais l'Église. En ce qui concerne la recherche d'une vie juste par l'obéissance aux commandements de la loi, on ne pouvait rien me reprocher. Mais ces qualités que je regardais comme un gain, je les considère maintenant comme une perte à cause du Christ. Et ce n'est pas seulement ces qualités, mais tout avantage que je considère comme une perte à cause de ce bien tellement supérieur, la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. À cause de lui, je me suis débarrassé de tout avantage personnel. Je considère tout cela comme balayure afin de gagner le Christ et d'être parfaitement uni à lui. Je n'ai plus la prétention d'être juste grâce à mon obéissance à la loi. C'est par la foi au Christ que je suis juste, grâce à cette possibilité d'être juste qui vient de Dieu et que Dieu accorde à celui qui croit. Tout ce que je désire, c'est de connaître le Christ et la puissance de sa résurrection, d'avoir part à ses souffrances et d'être rendu semblable à lui dans sa mort, avec l'espoir que je serai moi aussi ramené de la mort à la vie. Je ne prétends pas que j'ai déjà atteint le but ou que je sois déjà devenu parfait, mais je continue à avancer pour m'efforcer de saisir le prix de la course, car Jésus-Christ m'a déjà saisi. Non, frère, je ne pense pas avoir déjà obtenu le prix, mais je fais une chose, j'oublie ce qui est derrière moi et m'efforce d'atteindre ce qui est devant moi. Ainsi, je cours vers le but afin de gagner le prix que Dieu, par Jésus-Christ, nous appelle à recevoir là-haut. Nous tous qui sommes spirituellement adultes, ayons cette même façon de penser. Cependant, si certains d'entre vous pensent autrement, Dieu vous éclairera à ce sujet. Quoi qu'il en soit, continuons à avancer conformément à la voie que nous avons suivie jusqu'à maintenant. Frères, imitez-moi tous. Nous avons donné l'exemple, alors fixez vos regards sur ceux qui se conduisent selon cet exemple. Je vous l'ai déjà dit souvent, et je vous le répète maintenant en pleurant, il y en a beaucoup qui se conduisent en ennemis de la mort du Christ sur la croix. Ils finiront par être détruits, car leur Dieu, c'est leur ventre. Ils sont fiers de ce qui devrait leur faire honte, et ils pensent seulement aux choses de ce monde. Quant à nous, nous sommes citoyens des cieux, et nous attendons ardemment que vienne des cieux notre Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ. Il transformera notre misérable corps terrestre et le rendra semblable à son corps glorieux en utilisant la puissance qui lui permet de se soumettre toutes choses.